إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers auditeurs, on se retrouve ce soir pour commencer ensemble la lecture d'une nouvelle épître au sujet de l'obligation d'ordonner le bien et d'interdire le mal, écrite par le grand savant de son époque, l'imam des gens de la Sunna, le Cheikh Abdelaziz ibn Abdillah ibn Baz. Nous allons donc lire cette épître, dans un premier temps en arabe. Je vais ensuite la traduire, accompagnée de quelques explications principalement tirées du résumé de certains bénéfices du commentaire du grand savant Salih al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala. L'imam Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, commence donc cette épître en disant « Alhamdulillah » وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد. Toutes les louanges reviennent à Allah. Qu'Allah couvre d'éloges et salue le messager d'Allah ainsi que sa famille, ses compagnons et ceux qui suivent sa voie. Ceci dit. فإن من أهم المهمات وأفضل القربات التناصح والتوجيه إلى الخير. والتواصي بالحق والصبر عليه والتحذير مما يخالفه ويغضب الله عز وجل ويباعد من رحمته. Le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit ici, il fait partie des choses les plus importantes et des actes par lesquels on cherche à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala les plus méritoires. Le fait de se conseiller mutuellement, de s'orienter vers le bien, de s'enjoindre mutuellement à la vérité et la patience sur cela, ainsi que la mise en garde contre ce qui s'oppose à la vérité et qui provoque la colère d'Allah Azza wa Jal et éloigne de sa miséricorde. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, il fait directement allusion ici au sujet de cette épître, car il nous parle du fait de s'enjoindre mutuellement à la vérité, et que ceci fait partie des choses les plus importantes et des actes les plus méritoires par lesquels on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les moyens de s'enjoindre à la vérité, il y a le fait de s'ordonner le bien et de s'interdire le mal. Et ceci fait partie des causes pour obtenir le salut et être sauvé de la perdition. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, dans Surat al-Asr, il a juré par le temps, il a dit « wal asr » par le temps. Inna l'insana lafi khusr. L'homme est certes en perdition. C'est-à-dire l'espèce humaine, l'ensemble des hommes. Ils sont tous en perdition. À l'exception de qui? Illa alladhina amanu. À l'exception de ceux qui ont la foi, ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amilu s-salihat, qui accomplissent des œuvres pieuses, sincère pour Allah et conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa tawasaw bil haqq, et qui s'enjoignent mutuellement la vérité. Ils s'enjoignent mutuellement la vérité. Ils s'ordonnent le bien et ils s'interdisent le mal afin d'être sauvés de la perdition. Wa tawasaw bis sabr, et ils s'enjoignent mutuellement l'endurance. L'endurance sur la foi, l'endurance sur l'accomplissement des œuvres pieuses, et l'endurance sur le fait de s'enjoindre mutuellement la vérité. Donc on voit à travers cette sourate que l'homme ne peut être sauvé de la perdition si ce n'est en se parant de ces quatre caractéristiques. Il ne suffit pas d'avoir la foi et de faire des œuvres pieuses, mais il est nécessaire en plus de cela que l'on s'enjoigne mutuellement la vérité, c'est-à-dire que l'on s'ordonne le bien et que l'on s'interdise le mal. Et étant donné que celui qui va se charger de cette noble tâche, qui va chercher le salut en commandant le bien et en interdisant le mal, il subira inévitablement des préjudices. Les gens ne vont pas supporter qu'il les appelle au bien et qu'il leur interdise le mal. Car les âmes sont souvent incitatrices au mal et ont un penchant pour le suivi des passions. Donc ils vont réprouver cela. Ils vont réprouver qu'on leur ordonne le bien et qu'on leur interdise le mal. Ils vont donc s'en prendre à celui qui ordonne le bien et qui interdit le mal. Il va subir des préjudices. Il va entendre des mauvaises paroles de la part des gens. Il se peut qu'il le dénigre. Il se peut qu'il le calomnie. Qu'il mente à son sujet, qu'il cherche à le rabaisser, qu'il se mette à chercher ses défauts, ou autre chose semblable. Donc, il devra se parer de patience. Et c'est pour cela que la quatrième caractéristique pour être sauvé de la perdition est le fait de s'enjoindre mutuellement l'endurance. Car il va subir des préjudices. Et médite à ce sujet sur la parole de Luqman le sage à son fils, lorsqu'il lui a dit « Ya Bunay, aqim is-salah. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. Ô mon fils, accomplis la prière, ordonne le bien et interdis le mal. Et ensuite, qu'est-ce qu'il lui a dit? Et patiente sur ce qui t'arrive. Patiente sur ce qui t'arrive. Car lorsque tu vas ordonner le bien et que tu vas interdire le mal, tu vas subir des difficultés, tu vas subir des préjudices de la part des gens. Des paroles déplaisantes, peut-être même des menaces, des dénigrements, des rabaissements et ainsi de suite. Tu dois donc patienter sur cette voie. Et ceci, comme nous dit le Cheikh, cela fait partie des choses les plus importantes et des actes les plus méritoires par lesquels on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'enjoindre la vérité, patienter sur celle-ci. Et mettre en garde contre tout ce qui s'oppose à la vérité et provoque la colère d'Allah azza wa jal et éloigne de sa miséricorde. Ensuite, le Cheikh, rahimahullah ta'ala, a fait une invocation et il a dit « وَأَسْأَلُهُ عَزَّ وَجَلْ أَنْ يُصْلِحَ قُلُوبَنَا وَأَعْمَالَنَا وَسَائِرَ الْمُسْلِمِينَ » Et je lui demande, c'est-à-dire à Allah, azza wa jal, de réformer nos cœurs ainsi que nos œuvres et celles de l'ensemble des musulmans. Le Cheikh, rahimahullah ta'ala, ici, il invoque Allah, subhanahu wa ta'ala, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala réforme son cœur et les cœurs des musulmans, car la réforme, la vertu d'une personne, le fait que cette personne emprunte le droit chemin, tout ceci est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait partie des causes les plus importantes pour être guidé sur le droit chemin. Que tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il te guide, qu'il te réforme, qu'il guide ton cœur. Et qu'il réforme tes œuvres également, afin que celles-ci soient vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et conformes à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit rahimahullah, « وَأَنْ يَمْنَحَنَا الْفِقْهَ فِي دِينِهِ » Il demande encore à Allah subhanahu wa ta'ala autre chose, et il dit « et qu'il nous accorde al-fiqh dans sa religion. » Al-fiqh fi din. Cela signifie la compréhension de la religion. Il demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la compréhension de la religion, la compréhension du Coran et de la Sunnah, de manière juste et authentique. C'est cela le fiqh. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, « Yutil hikmata may yasha » Il accorde la sagesse, le hikma à qui il veut. « Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khayran kathira » Et celui qui se voit accorder al-hikma, la sagesse, alors il s'est certes vu accorder un bien abondant. Le Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, dit ici, al-hikma, hiya al-fiqhu fid-din. La hikma, la sagesse, c'est la compréhension de la religion, l'instruction en religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à la personne une compréhension authentique de sa religion. Et ceci fait partie des bienfaits les plus immenses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde la compréhension de sa religion. Et ceci fait partie des signes nous indiquant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu du bien à son serviteur. Et on va revenir sur ce sujet car le Cheikh rahimahullah ta'ala l'a abordé dans cet épître. Il a mentionné le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Et il a donné de nombreux bénéfices à ce sujet. On y reviendra, inshallah ta'ala, lorsqu'on arrivera à ce passage. Ensuite, il dit, وَالثَّبَاتَ عَلَيْهِ. Et la fermeté sur celle-ci. La fermeté sur la religion. Et ça également, c'est très important, mes frères. Car nombre de personnes connaissent la religion. Certaines parmi elles ont même compris nombre de principes de cette religion. Et peut-être même les ont mis en pratique. Mais combien sont ceux qui patientent et restent fermes sur cela? Combien sont ceux qui restent fermes sur la religion? Combien sont ceux qui ont gardé la ferveur qu'ils avaient lors de leur premier jour ou leur première semaine ou leur premier mois en islam ou sur la sunna? Bien souvent, cette ferveur et cet enthousiasme, il disparaît rapidement. Lorsque la personne entre en islam, elle a une soif d'apprendre. Également, lorsque la personne qui était musulmane mais qui ne connaissait pas la voie droite, lorsqu'elle revient sur le droit chemin, qu'elle délaisse les péchés ou qu'elle connaît la voie de la droiture, la voie de la sunna, la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Elle a cette soif d'apprendre. Elle a une grande ferveur. Elle veut tout apprendre au sujet de sa religion, au sujet de la sunna, afin de pouvoir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure manière. Mais avec les semaines, les mois ou les années, cet enthousiasme diminue ou voire même disparaît, wallah al-musta'an. C'est pour cela qu'il est important que l'on demande sans cesse à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir. Aujourd'hui peut-être tu connais la vérité, tu mets en pratique la vérité, mais tu ne sais pas quelle sera ta situation demain. Et ceci n'est pas entre tes mains. Bien sûr, toi tu dois faire certaines causes pour rester ferme. Et parmi les causes, le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te raffermir, afin de pouvoir patienter sur cette voie, et ne pas dévier. Car les cœurs des serviteurs sont entre deux des doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les retourne comme il veut. Combien sont ceux qui étaient sur la voie droite, et aujourd'hui sont plongés dans de nombreux égarements, wal'iyadu billah. Donc nul parmi nous ne doit se sentir à l'abri de l'égarement, de l'innovation, du polythéisme ou de la mécréance. Ne dis pas « moi j'ai compris la religion ». Ne dis pas « moi j'ai compris la sunna, moi je sais, j'ai appris ». Non. Wallahi, tu n'es pas à l'abri. Il y a des savants qui ont dévié. Des gens qui maîtrisaient les sciences du Coran et de la sunna qui se sont égarés. Des gens qui étaient connus pour leur vertu, pour leur dévotion, et qui ont quitté la voie droite. Donc nul parmi nous ne doit se sentir à l'abri. Tant que tu as encore en vie, tu dois toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te raffermir sur la vérité. C'est pour cela, comme je l'ai déjà mentionné dans de nombreux cours, qu'il faisait partie des invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le plus souvent. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Donc le shaykh rahimahullah ta'ala, il demande ici à Allah subhanahu wa ta'ala de réformer nos cœurs et nos œuvres, ainsi que de l'ensemble des musulmans, de nous accorder la compréhension de la religion et de nous raffermir sur celle-ci. Et ensuite il dit, وَأَنْ يَنْصَرَ دِينَهُ وَيُعْلِيَ كَلِمَتَهُ. Et qu'il secoure sa religion et élève sa parole. Donc le cheikh ici, rahimahullah ta'ala, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de secourir sa religion. Mais il est nécessaire que tu saches qu'Allah subhanahu wa ta'ala secourt sa religion par certaines causes. Et parmi les causes les plus importantes, il y a le fait que les adeptes de cette religion mettent en pratique cette religion comme il se doit. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, « Ya ayyuha alladhina amanu, in tansurullaha yansurkum. » Ô vous qui croyez, si vous secourez Allah, c'est-à-dire si vous secourez la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment on secourt la religion d'Allah? En la mettant en pratique. En apprenant cette religion et en la mettant en pratique. C'est comme cela qu'on secourt la religion d'Allah. Puis ensuite, après l'avoir mise en pratique, on la propage, on la diffuse parmi les gens. Si vous secourez la religion d'Allah, il vous secourra. Il vous fera triompher. Mais si tu négliges la mise en pratique de ta religion, que tu ne cherches pas à secourir et à faire triompher ta religion, que tu fais preuve de paresse, que tu ne fais pas d'effort dans l'apprentissage de la science, dans la mise en pratique de ta religion, dans la diffusion de cette religion, pour ceux qui ont les aptitudes pour cela. Si tu négliges cela, est-ce que tu penses qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te secourir sans cause? Il est nécessaire que tu accomplisses les causes pour être secouru, pour triompher. Aujourd'hui, nombre de musulmans se plaignent de leurs faiblesses et des injustices qu'ils peuvent subir dans certains pays à travers le monde. Et ils espèrent le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce que nous, on a cherché à secourir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala avant cela? Allah subhanahu wa ta'ala a mis cela comme condition dans le verset. In tansurullah. Si vous secourez Allah, si vous secourez la religion d'Allah, si vous faites triompher la religion d'Allah. Où est la religion d'Allah dans notre quotidien aujourd'hui? Combien de temps accordons-nous à notre religion chaque jour? Est-ce que c'est notre priorité? Ou est-ce que la priorité de beaucoup d'entre nous lorsqu'on se lève le matin est de courir après des biens vils parmi les biens vils de ce bas monde? De suivre ses passions? D'assouvir ses désirs? Combien sont ceux qui se lèvent avec la volonté de faire triompher la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? En commençant par la faire triompher sur nos propres personnes. En apprenant cette religion en la mettant en pratique. Donc ceci est une cause indispensable afin de pouvoir obtenir le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala et le triomphe. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, après cette invocation, il invoque également pour les détenteurs de l'autorité. Et il dit « وَأَنْ يُصْلِحَ جَمِيعَ وَلَاتِ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَيُوَفِّقَهُمْ لِكُلِّ خَيْرٍ » Et qu'il réforme l'ensemble des détenteurs de l'autorité parmi les musulmans et qu'il leur raccorde la réussite en tout bien. L'invocation pour les détenteurs de l'autorité, c'est d'une grande importance. Car si les détenteurs de l'autorité parmi les musulmans sont vertueux, alors les sociétés seront vertueuses, incha'Allah ta'ala. Et inversement, il y a certains ignorants, certains faibles d'esprit, ou certains partisans des groupes sectaires parmi les gens de l'innovation et de l'égarement, qui au lieu d'invoquer pour les gouverneurs, passent leur temps à les dénigrer et à propager leurs péchés et leurs défauts. Ils pensent être des réformateurs alors qu'ils ne sont que des corrupteurs. Il fait partie des droits des détenteurs de l'autorité sur nous que l'on invoque en leur faveur, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les réforme, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la réussite et le succès en tout bien. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, a dit « لو أعلم أن لي دعوة مستجابة » Si je savais que j'avais une invocation exaucée. Réfléchis ici un instant. Si toi, tu savais que là, la chose que tu allais demander, elle serait exaucée. Qu'est-ce que tu demanderais? Je suis sûr que beaucoup d'entre nous penseraient à des biens éphémères parmi les biens éphémères de ce bas monde. Et demanderaient des biens mondains. Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et améliore notre situation. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, lui, il voit beaucoup plus loin que ça. Et il dit, لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. Si je savais que j'avais une invocation exaucée, je l'aurais faite en faveur du gouverneur. Car si le gouverneur est bon, si le gouverneur est sur le droit chemin, c'est toute la société qui sera sur le droit chemin, bi'inillahi ta'ala. Ensuite, le Cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit, toujours en invoquant en faveur des gouverneurs, وَيُصْلِحَ لَهُمُ الْبِطَانَ et qu'il leur accorde un bon entourage, qu'il les aide dans le bien, qu'il les encourage aux bonnes actions et les écarte des mauvaises choses et des interdits. وَيُعِينَهُمْ عَلَى كُلِّ مَا فِيهِ صَلَاحُ الْعِبَادِ وَالْبِلَادِ et qu'il les aide dans tout ce qui comporte le bien pour les serviteurs et les pays. وَيَمْنَحَهُمْ الْفِقْهَ فِي الدِّينِ et qu'il leur accorde la compréhension de la religion. وَيَشْرَحَ صُدُورَهُمْ لِتَحْكِيمِ شَرِيعَتِهِ et qu'il ouvre leur poitrine afin qu'ils mettent en pratique, qu'ils jugent selon la charia de l'islam. وَلِسْتِقَامَ عَلَيْهَا et qu'ils restent droits sur celle-ci. إِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ il est certes garant de cela, et il en est capable. Donc on voit ici que c'est une invocation immense que l'auteur, rahimahullah, fait en faveur des détenteurs de l'autorité. Ensuite il dit, أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ إن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موضوع عظيم جدير بالعناية. Oh les musulmans, le cheikh ici il s'adresse à l'ensemble des musulmans, à l'ensemble d'entre nous, pas seulement à une catégorie de personnes, car le sujet dont il va nous parler, il concerne l'ensemble des musulmans. Il dit, le sujet du commandement du bien et de l'interdiction du mal est un sujet immense qui mérite toute notre attention. Ce n'est pas un sujet qui doit être négligé, mais c'est un sujet d'une grande importance, comme on va le voir à travers les paroles du Cheikh, rahimahullah ta'ala. Il nous dit, لِأَنَّ فِي تَحْقِيقِهِ مَصْلَحَةَ الْأُمَّةِ وَنَجَاتَهَا car il y a dans sa concrétisation l'intérêt de la communauté et son salut. Le fait de mettre en pratique le commandement du bien et l'interdiction du mal est dans l'intérêt de l'ensemble de la communauté. Il n'est pas dans notre intérêt qu'on nous laisse suivre nos passions et nos désirs. Suivre n'importe quel égaré qui se met en avant pour parler de la religion. Suivre les prédicateurs à l'égarement. Commettre ce que l'on souhaite comme péché, et ainsi de suite. Non, ceci n'est pas dans notre intérêt. Mais ce qui est dans notre intérêt et dans l'intérêt de l'ensemble de la communauté, c'est que l'on connaisse cette religion, qu'on la mette en pratique, et qu'on reste ferme et droit sur celle-ci. C'est cela qui est dans notre intérêt. Et il dit « وَفِي إِهْمَالِهِ الْخَطَرَ الْعَظِيمِ وَالْفَسَادَ الْكَبِيرِ » Il y a dans la négligence du commandement du bien et de l'interdiction du mal un danger immense et une grande corruption. Négliger le commandement du bien et l'interdiction du mal met en danger l'ensemble de la communauté. Cela nous fait encourir la perdition, ainsi que de nombreux châtiments venant de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a donné un exemple concret concernant le danger du délaissement du commandement du bien et de l'interdiction du mal. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, comme on le retrouve dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, « Celui qui respecte les limites d'Allah et celui qui les transgresse sont à l'exemple de gens qui ont fait un tirage sur un bateau afin de savoir à quelle place ils allaient s'installer. Certains ont obtenu le fait d'être en haut du bateau et d'autres d'être en bas. Ceux qui étaient en bas du bateau, lorsqu'ils avaient besoin d'eau, ils devaient passer par ceux qui étaient au-dessus d'eux. Alors ils se sont dit, et si nous faisions un trou dans notre partie du bateau, afin de ne pas déranger ceux qui sont au-dessus de nous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, s'ils les laisseraient faire ce qu'ils souhaitent, alors ils périraient tous. Mais s'ils les en empêchaient, alors ils obtiendraient tous le salut. Médite ici sur l'importance du commandement du bien et de l'interdiction du mal. Ceux qui sont en bas du bateau, ils ne veulent pas déranger ceux qui sont au-dessus. Alors ils se disent, on va faire un trou dans le bateau, afin d'éviter de les déranger. Mais s'ils font un trou en bas du bateau, qu'est-ce qui va se passer? Le bateau, il va couler. Et ils vont tous couler, ils vont tous périr. Même ceux qui sont en haut. Mais si ceux qui sont en haut les en empêchent et leur interdisent cela, alors ils obtiendront tous le salut, bi'inillahi ta'ala. Et telle est la situation dans la communauté. Si les gens de science se taisent, si les gens de science n'ordonnent pas le bien et n'interdisent pas le mal, alors toute la communauté va périr. Toute la communauté sera en danger. Si on laissait les gens accomplir les péchés qu'ils désirent, suivre leurs passions comme bon leur semble, la société courirait à sa perte. Car lorsque les péchés sont commis, le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala est alors proche. Et lorsque le châtiment descend, il touche aussi bien le vertueux que celui qui ne l'est pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre à ce sujet, وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًا. Et craignez une calamité qui n'atteindra pas seulement les injustes parmi vous. Et comment se mettre à l'abri de cette calamité? En ordonnant le bien et en interdisant le mal. Ceci est une protection pour l'ensemble d'entre nous. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas périr un peuple dans lequel se trouvent des réformateurs. Il dit subhanahu wa ta'ala au verset 117 de Surat Hud, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Et ton Seigneur ne va pas anéantir injustement des cités dont les gens sont des réformateurs. Médite ici sur le mot qu'Allah subhanahu wa ta'ala a employé, muslihun. Des réformateurs, il n'a pas dit des salihun, des vertueux. Car la présence des vertueux en elle-même, elle ne suffit pas. Mais il est nécessaire qu'il y ait parmi nous des réformateurs. Des gens qui ordonnent le bien et interdisent le mal. Donc nul parmi nous ne doit se dire, il me suffit de prier, de donner ma zakat, de jeûner, de faire du rappel d'Allah, d'aller à la mosquée, de m'occuper de mes affaires personnelles, et je ne m'occupe pas des autres. Car si tout le monde agit de cette manière, alors lorsque le châtiment descendra, il nous atteindra tous, wal'iyadu billah. Il est donc nécessaire que chacun d'entre nous prenne sa part de responsabilité à ce sujet. Chacun en fonction de ses aptitudes et de sa situation. Et le commandement du bien et l'interdiction du mal ne doivent en aucun cas être négligés, surtout à notre époque. Nous vivons à une époque où les troubles, les tentations, les péchés se sont répandus en tout lieu. Et ils sont accessibles, avec facilité. Donc si les gens de vertu se taisent, qu'ils n'ordonnent pas le bien, qu'ils n'interdisent pas le mal, alors c'est toute la communauté qui est en danger. Car les ignorants et ceux à la foi faibles, ils vont alors se laisser aller dans l'assouvissement de leurs désirs, dans le suivi de leurs passions. Et personne ne va les rappeler à l'ordre. Donc il est nécessaire qu'on les rappelle à l'ordre, afin qu'ils cessent leurs péchés, afin qu'ils reviennent à la droiture, et que le mal diminue au sein de nos sociétés. Et nombreux sont ceux à s'opposer à cette prescription religieuse aujourd'hui, à dire que ceci est une manière de se mêler de ce qui ne nous regarde pas, et que ceci est une manière de s'immiscer dans les affaires des gens, que ceci est de la dureté. Et il n'y a pas de doute que cette parole est un égarement évident. Et bien souvent, si cette parole provient de personnes qui s'affilient à l'islam, elle provient ou bien d'un ignorant qui n'a pas compris la valeur du commandement du bien et de l'interdiction du mal, ou alors d'un hypocrite ou al-iyadu billah. Il n'y a pas de doute que ordonner le bien et interdire le mal est une manière de se mêler des affaires des gens. Mais est-ce que se mêler des affaires des gens est ici interdit? Est-ce que c'est ici une chose blâmable ou une chose louable? Imagine-toi que tu vois la maison de ton frère en train de prendre feu. Tu vois les flammes se propager dans une pièce de sa maison. Ne vas-tu pas t'empresser d'aller frapper à sa porte ou, si personne te répond, casser la porte pour aller réveiller ses habitants et les sauver de ce danger? Ou alors tu vas dire, je ne me mêle pas de ses affaires. Ceci ne me regarde pas. Je ne vais pas m'immiscer dans les affaires des gens. Je ne l'avertis pas. Je le laisse. Je laisse sa maison brûler. Wa la yadu billah. Il n'y a pas de doute que tu vas t'empresser d'aller le sauver de ce feu. Eh bien, sache qu'il est encore plus important que tu cherches à le sauver du feu de l'enfer, en l'aidant à se soumettre aux ordres d'Allah et à ne pas les négliger, et en l'aidant à délaisser les péchés et les transgressions, et à se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, afin de ne pas être touché dans l'au-delà par le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala en raison de ses péchés. Ceci est un droit que ton frère a sur toi. Lorsque tu le vois commettre un péché, lorsque tu le vois transgresser un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu le vois délaisser une obligation, il est de ton devoir de le rappeler à l'ordre et de le mettre en garde. Et ceci n'est pas une manière blâmable de se mêler de ses affaires. Mais c'est une chose qui est obligatoire et qui fait partie des prescriptions de notre religion et dont l'intérêt est pour la personne elle-même, plus que pour toi. C'est lui qui va en profiter, bi'inillahi ta'ala, car il va se repentir, revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, accomplir ses obligations et délaisser les péchés et les mauvaises actions. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous dit qu'il y a dans la concrétisation du commandement du bien et de l'interdiction du mal un intérêt pour la communauté et son salut, et dans sa négligence un grand danger et une grande corruption. Il dit ensuite « Wa'irtifa al-fada'il wa dhuhur ar-radha'il » la disparition des vertus et l'apparition de l'immoralité, des vices, de la débauche. En effet, si on délaisse le commandement du bien et l'interdiction du mal, alors les nobles caractères, les nobles comportements vont disparaître. La pudeur va disparaître. Le bon comportement va disparaître. Le respect va disparaître. Et ainsi de suite. Et ceci sera remplacé par tout vice et toute forme de débauche et d'immoralité. Wallahu al-musta'an. Ensuite, le shaykh, rahimahullah ta'ala, va nous expliquer le rang immense du commandement du bien et de l'interdiction du mal dans notre religion, à travers l'explication de certains versets du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et c'est ce que l'on verra dans le cours de demain, insha'Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khayra.